Peu de jours après, les deux amoureux du banc de l'Esplanade étaient deux époux unis par monsieur le maire d'Aguenau, vénérable fonctionnaire qui avait dû être bourgmestre avant la Révolution française, et qui avait tenu dans ses bras bien souvent la petite Émilie, que peut-être il avait enregistrée lui-même à sa naissance. Aussi lui dit-il bien bas la veille de son mariage, « Pourquoi n'épousez-vous donc pas un bon Allemand ?» Émilie paraissait peu tenir à cette distinction. Wilhelm lui-même s'était réconcilié avec la moustache du lieutenant, car il faut le dire, au premier abord, il y avait eu réserve de la part de ces deux hommes. Mais Desroches y mettant beaucoup du sien, Wilhelm faisant un peu pour sa sœur et la bonne tante pacifiant et adoucissant toutes les entrevues, on réussit à fonder un parfait accord. Wilhelm embrassa de fort bonne grâce son beau-frère après la signature du contrat. Le jour même, car tout s'était conclu vers 9 heures, les quatre voyageurs partirent pour Metz. Il était 6 heures du soir quand la voiture s'arrêta à Bitche, au grand hôtel du Dragon. On voyage difficilement dans ce pays entrecoupé de ruisseaux et de bouquets de bois. Il y a 10 côtes par lieu, et les voitures du messager secouent rudement ces voyageurs. Ce fut là peut-être la meilleure raison du malaise qu'éprouva la jeune épouse en arrivant à l'auberge. Sa tante et Desroches s'installèrent auprès d'elle, et Wilhelm, qui souffrait d'une faim dévorante, descendit dans la petite salle où l'on servait à 8 heures le souper des officiers. Cette fois, personne ne savait le retour de Desroches. La journée avait été employée par les garnisons à des excursions dans les taillis de Uppostleden. Desroches, pour n'être pas enlevé au poste qu'il occupait près de sa femme, défendit à l'hôtesse de prononcer son nom. Réunis tous trois près de la petite fenêtre de la chambre, ils virent rentrer les troupes au fort. Et la nuit s'approchant, les glacis se bordèrent de soldats en négligé qui savouraient le pain de munitions et le fromage de chèvre fourni par la cantine. Cependant, Wilhelm, en homme qui veut tromper l'heure et la faim, avait allumé sa pipe, et sur le seuil de la porte, il se reposait entre la fumée du tabac et celle du repas. Double volupté pour l'oisif et pour l'affamé. Les officiers, à l'aspect de ce voyageur bourgeois, dont la casquette était enfoncée jusqu'aux oreilles, et les lunettes bleues braquées vers la cuisine, comprirent qu'ils ne seraient pas seuls à table, et voulurent lier connaissance avec l'étranger. Car elle pouvait venir de loin, avoir de l'esprit, raconter des nouvelles, et dans ce cas c'était une bonne fortune, ou arriver des environs, garder un silence stupide, et alors c'était un niais dont on pouvait rire. Un sous-lieutenant des écoles s'approcha de Wilhelm avec une politesse qui frisait l'exagération. « Bonsoir, monsieur, savez-vous des nouvelles de Paris ?»« Non, monsieur, et vous ?» dit tranquillement Wilhelm. « Ma foi, monsieur, nous ne sortons pas de Bitche. Comment serions-nous quelque chose ?» « Et moi, monsieur, je ne sors jamais de mon cabinet. »« Seriez-vous dans le génie ?» Cette raillerie dirigée contre les lunettes de Wilhelm égaya beaucoup l'assemblée. « Je suis clerc de notaire, monsieur. »« En vérité, à votre âge, c'est surprenant. »« Monsieur, dit Wilhelm, est-ce que vous voudriez voir mon passeport ?»« Non, certainement. »« Eh bien, dites-moi que vous ne vous moquez pas de ma personne, et je vais vous satisfaire sur tous les points. » L'assemblée reprit son sérieux. « Je vous ai demandé sans intention maligne si vous faisiez partie du génie, parce que vous portiez des lunettes. Ne savez-vous pas que les officiers de cette arme ont seul le droit de se mettre des verres sur les yeux ? Et cela prouve-t-il que je sois soldat ou officier comme vous voudrez ? Mais tout le monde est soldat aujourd'hui. Vous n'avez pas 25 ans, vous devez appartenir à l'armée. Ou bien vous êtes riche, vous avez 15 ou 20 000 francs de rente. Vos parents ont fait des sacrifices, et dans ce cas-là, on ne dîne pas à une table d'hôte d'auberge. » « Monsieur, dit Wilhelm en secouant sa pipe, peut-être avez-vous le droit de me soumettre à cette inquisition. Alors je dois vous répondre catégoriquement. Je n'ai pas de rente, puisque je suis un simple clerc de notaire, comme je vous l'ai dit. J'ai été réformé pour cause de mauvaise vue. Je suis myope en un mot. » Un éclat de rire général et intempéré accueillit cette déclaration. « Ah, jeune homme, s'écria le capitaine Vallier en lui frappant sur l'épaule. « Vous avez bien raison, vous profitez du proverbe. Il vaut mieux être poltron et vivre plus longtemps. » Wilhelm rougit jusqu'aux yeux. « Je ne suis pas un poltron, monsieur le capitaine, et je vous le prouverai quand il vous plaira. D'ailleurs, mes papiers sont en règle, et si vous êtes officier de recrutement, je puis vous les montrer. »« Assez, assez !» crièrent quelques officiers. « Laissez ce bourgeois tranquille, Vallier. Monsieur est un particulier paisible, et il a le droit de souper ici. »« Oui, dit le capitaine, ainsi mettons-nous à table, et sans rancune, jeune homme. Rassurez-vous, je ne suis pas chirurgien examinateur, et cette salle à manger n'est pas une salle de révision. » « Pour vous prouver ma bonne volonté, je m'offre à vous découper une aile de ce vieux dur à cuire qu'on nous donne pour un poulet. Je vous remercie, dit Willem, à qui la faim avait passé. Je mangerai seulement de ces truites qui sont au bout de la table. Et il fit signe à la servante de lui apporter le plat. Sont ce des truites vraiment, dit le capitaine à Willem, qui avait ôté ses lunettes en se mettant à table. Ma foi, monsieur, vous avez meilleure vue que moi-même. Tenez, franchement, vous ajusteriez votre fusil tout aussi bien qu'un autre. Mais vous avez eu des protections, vous en profitez très bien. Vous aimez la paix, c'est un goût tout comme un autre. Moi, à votre place, je ne pourrais pas lire un bulletin de la grande armée, et songer que les jeunes gens de mon âge se font tuer en Allemagne, sans me sentir bouillir le sang dans les veines. Vous n'êtes donc pas français ? Non, dit Willem avec effort et à satisfaction à la fois. Je suis né à Haguenau. Je ne suis pas français, je suis allemand. Allemand. Haguenau est situé au-dessous de la frontière rhénane. C'est un bon et beau village de l'Empire français, département du Bas-Rhin. Voyez la carte. Je suis de Haguenau, vous dis-je, village de Allemagne. Il y a 10 ans aujourd'hui, village de France. Et moi, je suis allemand toujours, comme vous seriez français jusqu'à la mort, si votre pays appartenait jamais aux Allemands. Vous dites là des choses dangereuses, jeune homme. Songez-y. J'ai tort peut-être, dit impétueusement Willem. Mon sentiment à moi est de ceux qu'il importe sans doute de garder dans son cœur, si l'on ne peut les changer. Mais c'est vous-même qui avez poussé si loin les choses, qu'il faut à tout prix que je me justifie, ou que je passe pour un lâche. Oui, tel est le motif qui, dans ma conscience, légitime le soin que j'ai mis à profiter d'une infirmité réelle, sans doute, mais qui peut-être n'eût pas dû arrêter un homme de cœur. Oui, je l'avouerai, je ne me sens point de haine contre les peuples que vous combattez aujourd'hui. Je songe que si le malheur eût voulu que je fusse obligé de marcher contre eux, j'aurais dû, moi aussi, ravager des campagnes allemandes, brûler des villes, égorger des compatriotes ou d'anciens compatriotes, si vous aimez mieux, et frapper au milieu d'un groupe de prétendus ennemis, ou frapper, qui sait, des parents, d'anciens amis de mon père. Allons, allons, vous voyez bien qu'il vaut mieux pour moi écrire des rôles chez le notaire d'Haguenau. D'ailleurs, il y a assez de sang versé dans ma famille. Mon père a répandu le sien jusqu'à la dernière goutte. Voyez-vous, et moi... Votre père était soldat, interrompit le capitaine Vallier. Mon père était sergent dans l'armée prussienne, et il a défendu longtemps ce territoire que vous occupez aujourd'hui. Enfin, il fut tué à la dernière attaque du fort de Beach. Tout le monde était fort attentif à ces dernières paroles de Willem, qui arrêtèrent l'envie qu'on avait, quelques minutes auparavant, de rétorquer ces paradoxes touchant le cas particulier de sa nationalité. C'était donc en 93. En 93, le 17 novembre, mon père était parti la veille de Sirmacène pour rejoindre sa compagnie. Je sais qu'il dit à ma mère qu'au moyen d'un plan hardi, cette citadelle serait emportée sans coup férir. On nous le rapporta, mourant 24 heures après. Il expira sur le seuil de la porte, après m'avoir fait jurer de rester auprès de ma mère, qui lui survécut 15 jours. J'ai su que dans l'attaque qui eut lieu cette nuit-là, il reçut dans la poitrine le coup de sabre d'un jeune soldat qui abattit ainsi l'un des plus beaux grenadiers de l'armée du prince de Hohenlohe. Mais on nous a raconté cette histoire, dit le major. Eh bien, dit le capitaine Vallier, c'est toute l'aventure du sergent prussien, tué par Desroches. Desroches, s'écria Willem, est-ce du lieutenant Desroches que vous parlez ? Oh non, non, se hâta de dire un officier qui s'aperçut qu'il allait y avoir là quelques révélations terribles. Ce Desroches dont nous parlons était un chasseur de la garnison, mort il y a 4 ans, car son premier exploit ne lui a pas porté bonheur. Ah, il est mort, dit Willem, en appuyant son front, d'où tombaient de larges gouttes de sueur. Quelques minutes après, les officiers le saluèrent et le laissèrent seul. Desroches, ayant vu par la fenêtre qu'ils étaient tous éloignés, descendit dans la salle à manger, où il trouva son beau-frère accoudé sur la longue table et la tête dans ses mains. « eh bien, nous dormons déjà ?»« Mais je veux souper, moi, ma femme s'est endormie enfin, et j'ai une faim terrible. »« Allons, un verre de vin, cela nous réveillera, et vous me tiendrez compagnie. »« J'ai mal à la tête, dit Willem. Je monte à ma chambre. »« À propos, ces messieurs m'ont beaucoup parlé des curiosités du fort. Ne pourriez-vous pas m'y conduire demain ?»« Mais sans doute, mon ami. »« Alors demain matin, je vous éveillerai. » Desroches soupira, puis il alla prendre possession du second lit qu'on avait préparé dans la chambre où son beau-frère venait de monter, car Desroches couchait seul, n'étant mari qu'au civil. Willem ne put dormir de la nuit, et tantôt il pleurait en silence, tantôt il dévorait de regards furieux le dormeur qui souriait dans ses songes. Ce qu'on appelle le pressentiment ressemble fort au poisson précurseur, qui avertit les cétacés immenses et presque aveugles que la pointille une roche tranchante, ou qu'ici est un fond de sable. Nous marchons dans la vie si machinalement que certains caractères, dont l'habitude est insouciante, iraient se heurter ou se briser sans avoir pu se souvenir de Dieu s'ils ne paraissaient un peu de limon à la surface de leur bonheur. Les uns s'assombrissent au vol du corbeau, les autres sans motif. D'autres, en s'éveillant, restent soucieux sur l'océan, parce qu'ils ont fait un rêve sinistre. Tout cela est pressentiment. « Vous allez courir un danger, » dit le rêve. « Prenez garde, » crie le corbeau. « Soyez triste, » murmure le cerveau, qui s'alourdit. Des roches, vers la fin de la nuit, eut un songe étrange. Il se trouvait au fond d'un souterrain, et derrière lui marchait une ombre blanche, dont les vêtements frôlaient ses talons. Quand il se retournait, l'ombre reculait. Elle finit par s'éloigner à une telle distance que Desroches ne distinguait plus qu'un point blanc. Ce point grandit, devint lumineux, emplit toute la grotte et s'éteignit. Un léger bruit se faisait entendre. C'était Willem qui rentrait dans la chambre, le chapeau sur la tête et enveloppé d'un long manteau bleu. Desroches se réveilla en sursaut. « Diable ! » s'écria-t-il. « Vous étiez déjà sorti ce matin ?»« Il faut vous lever, » répondit Willem. « Mais nous ouvrira-t-on au fort ?»« Sans doute, tout le monde est à l'exercice. Il n'y a plus que le poste de garde. »« Déjà ? Eh bien, je suis à vous. » Le temps seulement de dire bonjour à ma femme. « Elle va bien, je l'ai vue, ne vous occupez pas d'elle. » Desroches fut surpris de cette réponse, mais il la mit sur le compte de l'impatience, et plia encore une fois devant cette autorité fraternelle qu'il allait bientôt pouvoir secouer. Comme il passait sur la place pour aller au fort, Desroches jeta les yeux sur les fenêtres de l'auberge. « Émilie dort sans doute, » pensa-t-il. Cependant le rideau tremble, se ferme, et le lieutenant crut remarquer qu'on s'était éloigné du carreau pour n'être pas aperçu de lui. Les guichets s'ouvrirent sans difficulté. Un capitaine invalide, qui n'avait pas assisté au souper de la veille, commandait l'avant-poste. Desroches prit une lanterne et se mit à guider de salle en salle son compagnon silencieux. Après une visite de quelques minutes, sur différents points où l'attention de Willem ne trouva guère à se fixer, « Montrez-moi donc les souterrains, » dit-il à son beau-frère. « Avec plaisir, mais ce sera, je vous jure, une promenade peu agréable. Il règne là-dessous une grande humidité. » Nous avons les poudres sous l'aile gauche, et là on ne saurait pénétrer sans ordre supérieur. À droite sont les conduits d'eau réservés et les salpêtres brutes. Au milieu, les contremines et les galeries. Vous savez ce que c'est qu'une voûte? N'importe, je suis curieux de visiter des lieux où se sont passés tant d'événements sinistres, ou même vous avez couru des dangers, à ce qu'on m'a dit. Il ne me fera pas grâce d'un caveau, pensa Desroches. Suivez-moi, frère, dans cette galerie qui mène à la poterne ferrée. La lanterne jetait une triste lueur aux murailles moisies et tremblait en se reflétant sur quelques lames de sabre et quelques canons de fusil rongés par la rouille. « Qu'est-ce que ces armes ? » demanda Willem. « Les dépouilles des Prussiens tués à la dernière attaque du fort et dont mes camarades ont réuni les armes en trophée. Il est donc mort plusieurs Prussiens ici ? Il en est mort beaucoup dans ce rond-point. N'y toite-vous pas un sergent, vieillard de haute taille, à moustache rousse ? Sans doute, ne vous en ai-je pas conté l'histoire ? Non pas vous, mais hier à table on m'a parlé de cet exploit que votre modestie nous avait caché. Qu'avez-vous donc, frère, vous pâlissez ? Willem répondit d'une voix forte. Ne m'appelez pas frère, mais ennemi. Regardez, je suis un Prussien. Je suis le fils de ce sergent que vous avez assassiné. Assassiné ? Ou tué, qu'importe, voyez, c'est là que votre sabre a frappé. Willem avait rejeté son manteau et indiquait une déchirure dans l'uniforme vert qu'il avait revêtu, et qui était l'habit même de son père, pieusement conservé. « Vous êtes le fils de ce sergent ? Oh mon Dieu, me raillez-vous ? Vous raillez ? Joue-t-on avec de pareilles horreurs ? Ici a été tué mon père, son noble sang a rougi ses dalles. Ce sabre est peut-être le sien. Allons, prenez-en un autre et donnez-moi la revanche de cette partie. Allons, ce n'est pas un duel, c'est le combat d'un Allemand contre un Français. En garde ! Mais vous êtes fou, cher Willem. Laissez donc ce sabre rouiller. Vous voulez me tuer ? Suis-je coupable ? Aussi vous avez de la chance de me frapper à mon tour, et elle est double pour le moins de votre côté. Allons, défendez-vous. Willem, tuez-moi sans défense, je perds la raison moi-même. La tête me tourne. Willem, j'ai fait comme tout soldat doit faire, mais songez-y donc. D'ailleurs, je suis le mari de votre sœur, elle-même. Oh, ce combat est impossible. Ma sœur, et voilà justement ce qui rend impossible que nous vivions tous deux sous le même ciel. Ma sœur, elle sait tout, elle ne reverra jamais celui qui l'a fait orpheline. « Hier, vous lui avez dit le dernier adieu. » Desroches poussa un cri terrible et se jeta sur Willem pour le désarmer. Ce fut une lutte assez longue, car le jeune homme opposait aux secousses de son adversaire la résistance de la rage et du désespoir. « Rends-moi ce sabre, malheureux !» cria Desroches. « Rends-le-moi !»« Non, tu ne me frapperas pas, misérable fou, rêveur cruel !»« C'est cela !» cria Willem d'une voix étouffée. « Tu es aussi le fils dans la galerie. Le fils est un Allemand, un Allemand !» En ce moment, des pas retentirent, et Desroches lâcha prise. Willem, abattu, ne se relevait pas. « Ces pas étaient les miens, messieurs, » ajouta l'abbé, Émilie était venue au presbytère me raconter tout, pour se mettre sous la sauvegarde de la religion, la pauvre enfant. J'étouffais la pitié qui parlait au fond de mon cœur, et lorsqu'elle me demanda si elle pouvait aimer encore le meurtrier de son père, je ne répondis pas. Elle comprit, me serra la main et partit en pleurant. Un pressentiment me vint. Je la suivis, et quand j'entendis qu'on lui répondait à l'hôtel que son frère et son mari étaient allés visiter le fort, je me doutais de l'affreuse vérité. Heureusement, j'arrivais à temps pour empêcher une nouvelle péripétie entre ces deux hommes égalés par la colère et par la douleur. Willem, bien que désarmé, résistait toujours aux prières de Desroches. Il était accablé, mais son œil gardait encore toute sa fureur. « Homme inflexible, lui dis-je, c'est vous qui réveillez les morts et qui soulevez des fatalités effrayantes. N'êtes-vous pas chrétien? Et voulez-vous empiéter sur la justice de Dieu? Voulez-vous devenir ici le seul criminel et le seul meurtrier? L'expiation sera faite, n'en doutez point, mais ce n'est pas à nous qu'il appartient de la prévoir, ni de la forcer. » Desroches me serra la main et me dit « Émilie, c'est tout. Je ne la reverrai pas, mais je sais ce que j'ai à faire pour lui rendre sa liberté. »« Que dites-vous » m'écriai-je, « un suicide ?» À ce mot, Willem s'était levé et avait saisi la main de Desroches. « Non, disait-il, j'avais tort. C'est moi seul qui suis coupable, et qui devais garder mon secret et mon désespoir. » Je ne vous peindrai pas les angoisses que nous souffrîmes dans cette heure fatale. J'employais tous les raisonnements de ma religion et de ma philosophie, sans faire renaître d'issue satisfaisante à cette cruelle situation. Une séparation était indispensable dans tous les cas, mais le moyen d'en déduire les motifs devant la justice, il y avait là non seulement un débat pénible à subir, mais encore un danger politique à révéler ces fatales circonstances. Je m'appliquais surtout à combattre les projets sinistres de Desroches et à faire pénétrer dans son cœur les sentiments religieux qui font un crime du suicide. Vous savez que ce malheureux avait été nourri à l'école des matérialistes du XVIIIe siècle. Toutefois, depuis sa blessure, ses idées avaient changé beaucoup. Il était devenu l'un de ces chrétiens à demi-sceptiques, comme nous en avons tant, qui trouvent qu'après tout, un peu de religion ne peut nuire, et qui se résignent même à consulter un prêtre encore qu'il y ait un dieu. C'est en vertu de cette religiosité vague qu'il acceptait mes consolations. Quelques jours s'étaient passés. Willem et sa sœur n'avaient pas quitté l'auberge, car Émilie était fort malade après tant de secousses. Desroches logeait au presbytère et lisait toute la journée des livres de piété que je lui prêtais. Un jour, il alla seul au fort. Il resta quelques heures, et en revenant, il me montra une feuille de papier où son nom était inscrit. C'était une commission de capitaine dans un régiment qui partait pour rejoindre la division Partouneau. Nous reçûmes au bout d'un mois la nouvelle de sa mort glorieuse, autant que singulière. Quoi qu'on puisse dire de l'espèce de frénésie qui le jeta dans la mêlée, on sent que son exemple fut un grand encouragement pour tout le bataillon qui avait perdu beaucoup de monde à la première charge. Tout le monde se tut après ce récit. Chacun gardait la pensée étrange qu'excitait une telle vie et une telle mort. L'abbé reprit en se levant. « Si vous voulez, messieurs, que nous changions ce soir la direction habituelle de nos promenades, nous suivrons cette allée de peupliers jaunis par le soleil couchant, et je vous conduirai jusqu'à la Butaulière, d'où nous pourrons apercevoir la croix du couvent où s'est retirée Madame Desroches. »